Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Épisode 1, les BTP ou la Joconde. Les agences matrimoniales sont bêtes. Elles cherchent le bon sens là où tout est déraison. Combien de couples se séparent parce qu'ils croient faire un bon mot et qu'elle en comprend un mauvais? Parce qu'elle aime les doubles sens et qu'ils ne supportent pas l'almanach Vermot? Dorénavant, c'en est fini de ces malentendus. Vous lui tendez une liste d'homonymes et d'homophones et vous lui dites de choisir. Choisir le sens des mots en un centième de seconde. C'est l'image première qui compte. Que vous souhaitiez la similitude ou la différence, ce n'est pas à nous de trancher. Quand tu entends le mot meuble, entends-tu la commode ou la terre qui s'enfonce? Quand tu entends le mot carrefour, entends-tu le grand magasin ou les routes qui se croisent? Quand tu entends le mot enceinte, entends-tu le son de ta chenille, la muraille du château ou le ventre de la femme? Quand tu entends le mot flûte, entends-tu la traversière ou le juron? Quand tu entends le mot terme, entends-tu la fin des choses ou les vapeurs? Quand tu entends le mot pasteur, entends-tu l'homme de Dieu ou des moutons? Quand tu entends le mot restaurateur, entends-tu le bruit des cuisines ou le tableau qui s'écaille? Quand tu entends le son « mon », vois-tu tout ce qui est à toi ou les paysages à gravir? Quand tu entends le mot « frise », vois-tu les boucles de mes cheveux ou le temps qui s'écoule? Quand tu entends le son « être », entends-tu le vers de Shakespeare ou l'arbre de Giono? Quand tu entends le mot « gueule », entends-tu le loup, la colère ou la couleur rouge des blasons? Quand tu entends le mot « opéra », vois-tu les costumes et les chanteurs ou le gâteau à étage? Quand tu entends le mot « Céline », vois-tu le sac à main ou le bout de la nuit? Quand tu entends le mot « Mac », vois-tu l'ordinateur ou le roi des putes? Quand tu entends le mot « mine », vois-tu l'or, les soucis, mon crayon ou mon visage? Quand tu entends le son Lacoste, entends-tu le bateau qui s'amarre, l'homme qui la drague ou le crocodile sur le t-shirt? Quand tu entends le mot drague, entends-tu les fonds sous-marins ou l'hameçon des futurs baisers? Quand tu entends le mot polo, entends-tu le t-shirt à manches courtes ou les chevaux argentins qui galopent? Quand tu entends le mot « cougar », entends-tu la vieille amoureuse ou le puma d'Amérique? Quand tu entends le son « no », entends-tu tout ce qui est à nous ou le théâtre du Japon? Quand tu entends le mot « gris », vois-tu le pelage de la souris ou l'ivresse? Quand tu entends le mot « glace », vois-tu la vanille fraise ou la galerie versaillaise? Quand tu entends le mot « dessin », vois-tu l'intention ou la peinture? Quand tu entends le mot « conseil », vois-tu les administrateurs cravatés ou l'expérience? Quand tu entends le mot « noyer », vois-tu l'arbre ou la tragédie? Quand tu entends le mot « brise », entends-tu la douceur du vent ou la vitre qui se casse? Quand tu entends le mot « bise », entends-tu la force du vent ou la joue qui se tend? Quand tu entends le mot « pile », entends-tu la lumière, la chance ou les livres près de ton lit? Quand tu entends le mot « indien », vois-tu New Delhi ou l'Amérique? Quand tu entends le mot « col », entends-tu l'amidon de ta chemise ou la frontière des montagnes? Quand tu entends le mot « sel », vois-tu les cavaliers ou l'excrément? Quand tu entends le mot « belle », entends-tu la joliesse ou la revanche? Quand tu entends le mot « souris », entends-tu mes lèvres, ton ordinateur ou l'animal qui trottine? Quand tu entends le mot « bleu », vois-tu la couleur ou la douleur? Quand tu entends le mot « doigt », entends-tu l'obligation morale ou le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, entre lesquels tenir les caresses et les pinceaux. Quand tu entends le mot console, entends-tu notre besoin impossible à rassasier ou le jeu vidéo? Quand tu entends le mot livre, entends-tu le poids des cerises ou de la littérature? Quand tu entends le mot cahier, entends-tu le lait devenu fromage ou les pages à remplir? Quand tu lis les lettres F-I-L-S, vois-tu ton enfant ou le dé à coudre? Quand tu lis les lettres P-L-U-S, vois-tu le mieux ou le manque? Quand tu lis les lettres C-H-A-T, vois-tu le félin ou le dialogue informatique? Quand tu entends le mot cochon, vois-tu l'animal rose ou le sondage collectif? Quand tu entends le mot lion, entends-tu les attaches ou les fauves? Quand tu entends le mot colon, vois-tu la caravelle ou le gros intestin? Quand tu entends le mot pensée, entends-tu la fleur ou l'intellect? Quand tu entends le mot phénix, entends-tu le pavillon ou l'oiseau et ses cendres? Quand tu entends le mot pavillon, entends-tu les banlieues alanguies, l'or des empereurs de Chine ou le creux de mon oreille? Quand tu entends le son pieux, entends-tu le métal, les prières du moine ou le lit où m'embrasser? Quand tu entends le son amande, entends-tu la forme de tes yeux ou la contravention sur le pare-brise? Quand tu entends le son puits, entends-tu l'eau souterraine ou le futur? Quand tu entends le mot nuit, entends-tu la nuisance ou le nocturne? Quand tu entends le mot Vinci, entends-tu les BTP ou la Joconde? Pensando. Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Avec Marlène Goulard, Pauline Coppen, Paola Cordova, Chloé Oliveres, Pauline Deson, Sarah Jane Sauvegrain, Kevin Garnicha, Adrien Michaud, Xavier Xapla, Frédéric Siuen, Olivier Martineau. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laure Egoroff.